La música de Harry Fraud. Moi je suis bloqué entre un passé et un faux futur qu'on s'invente. Liasse de billets de 50, merde, dans toutes les rues ça vend. Mec, les gamins prennent 50, bref, les vies niquées salement. Les murs ont des oreilles donc tu peux finir sur écoute. Courir après la chance, en fait c'est passer sa vie sur les coudes. Tous en plein doute, pour faire face il faut porter ses couilles. Si t'as le nez dans la chenouf, t'es juste la preuve que le chant du diable s'écoute. Le désespoir me bouffe chaque soir quand le soleil se couche. Ça tend pour un coup de foudre, mais ce que j'ai dans la tête, tout le monde s'en fout. Ça fait 12 ans que ça rappe et je le ferai avec ou sans vous, avec ou sans sous. Si le vent tourne, avec ou sans souffle. Le passé meurt chaque fois que je perds un souvenir, je perds un son. La confiance m'a appris qu'une promesse a une date de péremption. On peut me voir partout dans la ville avec ma veste en jean, mais sans jolie fille, l'amour voudrait que je paye Cupidon en shit. J'attends plus que la roue tourne pour oublier une routine. J'aimerais noyer mes peurs dans les yeux bleus d'une blonde ou d'une rouquine. J'ai trop perdu de temps avec des sales histoires des meufs. On peut vite passer d'une histoire de cœur à une histoire de meurtre. Tu crois que le soleil qui brille peut brûler tous nos soucis? Ma bonne étoile est sans repère comme un gosse né sous X. Mon téléphone sonne beaucoup moins depuis que j'ai lâché le bis-bis. Trop de gratte-ciel qui veulent me voir, faudra lâcher un bif-bif. Je vous mentirais si je vous disais que je fréquente que des gens bien. Ça sonnerait faux comme une crasseuse refaite qui me parle de shampoing. Je percerai pas, combien d'entre nous auront le Porsche. Passe le salam à tous les petits et grands qu'ont soutenu Corbeil Boss. J'arrête de te raconter ma life car je sais que tu t'en fous. Les coups de couteau des anciens potes, je les supplie autant que vous. Quand y'a plus d'oseille, plus d'amour, tu peux finir dans le trou. Des gens désespérés, quand je croise mon miroir, j'en trouve. Trouve, prends en l'air, même si ton mec t'a quitté pour une autre. Ça fait partie de la vie, comme une meuf qui vend son cul pour une dose. J'ai la mémoire qui flanche, je crois que j'ai zappé tous mes textes. Le doute me stresse, si t'orageux que j'ai toujours eu le même tour de tête. Loin du paradis, mais ce que je vis n'est pas non plus un enfer. D'où je viens, on dit que t'as réussi si t'avais ce qu'il est un enfer. Je me donne à fond, le fond, la forme quand y'a ma voix sur disque. Les erreurs des autres me prouvent que j'ai raison 9 fois sur 10. Yeah. Les erreurs des autres me prouvent que j'ai raison 9 fois sur 10.